19. Observation. Accord et désaccord. Accord? Tu viens? Oui, je viens. Désaccord? Tu ne viens pas? Si, je viens. Il pleut? Oui, il pleut. Il ne pleut pas? Si, il pleut. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Oui. Non. Non. Si. Oui indique un accord avec un énoncé positif. Non indique un accord avec un énoncé négatif. Non indique un désaccord avec un énoncé positif. Si indique un désaccord avec un énoncé négatif.